tu crois que tous ces rêves t'appartiennent. Tu vis sans sommeil, tu vis sans sommeil. Elle vient de là où tous les gens les suceignent. Elle venait du ciel. À tous les gens autour de nous, elle leur donnait du ciel. Aux voisins plus pauvres que nous, elle leur donnait du sel. Enfermée dans ma cellule, frère, elle me donnait des ailes. Je viens du ciel, les étoiles entre elles me parlent que de cage, bras. Musicien, je peux plus bouger mes mains, les menottes me foudroient. Yeah, elle disait reste droit, roule des restes hâle. J'ai mal car par la fenêtre, j'entends plus là où n'est trop le dard. Adolescent réservé, trop souvent en colère. Échec scolaire, plus bas que terre, fous sa vie en l'air. J'irai, on se l'était juré. Ils me menacent armés, je les supplie de tirer. Si la rue rendait heureux, ben je serais Bill Cosby. J'galère depuis le tam-tam, je vends depuis le Kobe. À tous les mecs en manque à la recherche d'un bout de ciel. Ici la vie ne tient qu'à une ficelle. Et je repense à toi les yeux fermés, yeah. T'attends que ton souffle vienne m'emporter. Donne-moi des ailes. Dans les décombres de ma vie, je cherche un petit bout de ciel. Tu pleurais souvent en t'imaginant notre vie en mieux. On ferme les yeux quand on meurt, mais seule la mort nous ouvre les yeux. Yeah, premier couplet, dernier souffle. Même avec une tonne de parfum, mais ça pue la bouffe. Yeah, elle sent l'huile et la friture. J'suis né à Trappes, ça sent la biture, la piqûre. Si seulement le voisin du haut ne tapait pas sa femme. Si seulement le voisin du bas ne vendait pas de la cam. Si seulement Amidou n'avait pas pris cette moto. Si seulement Morad nous avait pas quitté trop tôt. J'ai mal et souvent je les vois dans mes rêves. Aucun tatouage sur ma peau, je reste en Adam et Ève. Mal dans ma tête, elle me donnait des ailes. Quand t'as pas connu le vinaigre, comment apprécier le miel. Et je repense à toi les yeux fermés, yeah. T'attends que ton souffle vienne m'emporter, yeah. Et elle aussi. Zao, Funny Baby.